1993 est mort, vive 1994! Pendant que Gilles démarre sa nouvelle carrière, Faustine, Vincent et Stéphane se lancent à la recherche de l'habitat idéal pour trois hommes, une femme et un couffin. Dans la journée, Stéphane cherche du travail en tant que musicien, cuisinier ou n'importe quoi d'autre. Vincent, quant à lui, est allé au bout de son contrat d'apprentissage et a rapidement trouvé un emploi de paysagiste dans un garden center. Il va enfin toucher un vrai salaire et pouvoir participer au loyer. Au boulot, Faustine continue, jour après jour, à entrer des données dans sa base, en s'ennuyant ferme. Lorsqu'elle se décide enfin, sur pression de ses deux collègues, à informer ses patrons de sa condition intéressante, la riposte est sévère. Le directeur des ressources humaines se prétend trahi. Il fait comprendre à Faustine qu'il n'est pas dupe et sait parfaitement qu'elle l'a fait exprès. Elle se sent méprisée et minable, mais en même temps, il n'a pas tort, le brave homme. Reste maintenant à assumer tout en tirant le meilleur parti de la situation. De toute façon, lorsque son premier patron s'est volatilisé il y a 2 mois, on lui a asséné qu'elle restait uniquement parce qu'on ne pouvait pas la virer, sa période d'essai étant révolue. Aujourd'hui, on ne peut pas la renvoyer non plus, vu son état. Mais on acceptera volontiers sa démission dès que possible. Faustine refuse. Elle n'a pas les moyens d'être pénalisée par le chômage. Il faut trouver autre chose. C'est à eux de mettre un terme à son contrat. Sûrement qu'ils le peuvent, malgré leur dénégation et sa grossesse, étant donné que celui qui l'a engagé est parti. Il doit bien exister un précédent juridique pour ce cas de figure. Ce n'est pas sa faute, après tout. Là, c'est le directeur des ressources humaines qui refuse. Il paraît que ça leur coûterait trop cher en indemnité. Faustine appelle son assurance protection juridique. Au bout de 2 jours, celle-ci lui répond qu'elle ne peut pas intervenir, étant donné que ses patrons sont affiliés à la même assurance qu'elle et que du coup, il y a conflit d'intérêts. Quel intérêt ? Celui de l'employeur, évidemment. C'est génial, ça. Ils acceptent les cotisations des employés, mais c'est les patrons qu'ils défendent. Finalement, elle laisse tomber et demeure sur un statu quo. Ce monde est fou. On déplore la dénatalité, on reproche aux femmes de faire des enfants et ensuite de s'en occuper. Qu'est-ce qu'ils veulent à la fin? Ne trouvant pas la maison de leurs rêves dans les environs immédiats de Lausanne, Stéphane, Vincent et Faustine élargissent le champ de leurs recherches dans la belle campagne vaudoise. La petite ville des Chalands, berceau de la maison du blé et du pain, pas encore devenue une cité dortoir, semble proposer des possibilités sympathiques. Ils visitent 2 ou 3 maisonnettes et appartements, malheureusement beaucoup trop chers par rapport à leurs moyens conjugués. Finalement, à 2 kilomètres de là, à Saint-Barthélemy, on leur propose une ravissante maison mitoyenne. Elle est équidistante des boulots de Gilles et Faustine, environ 1/2 heure de voiture chacun, ce qui est supportable. Vincent, lui, se retrouvera gagnant, travaillant à Assan, soit à 6 minutes de là seulement. Dans cette maison, pour le même loyer, il y aura assez de place pour tous. Les actuels locataires libèrent les lieux fin mars. Il ne reste plus qu'à préparer les cartons. Lorsque Faustine est enceinte de 3 mois, on procède à une première échographie. Quel moment passionnant! En 1984, aux USA, cette option n'avait pas été proposée pour Julien. Au centre hospitalier universitaire vaudois, la radiologiste ne peut pas encore déterminer à coup sûr si c'est une fille ou un garçon. Il faudra attendre 3 mois de plus pour la certitude. Faustine espère une fille, Gilles un garçon. Dans les groupes alcooliques anonymes, que la joyeuse troupe fréquente toujours assidûment, on se passionne pour la naissance de ce bébé. On tire des paris sur le sexe de l'ange, on se dispute pour un prénom, on tricote à qui mieux, la layette jaune ou blanche. Ces derniers temps, Faustine s'exprime beaucoup moins en séance. Elle s'est rendue compte à quel point il était plus enrichissant de se taire et d'écouter les autres. Un soir, Faustine et Gilles demandent à Monique, une de leurs plus proches amies et témoin de mariage, de bien vouloir devenir la marraine de l'enfant à naître. Celle-ci accepte, ravie. Monique vient de passer maître Reiki après plusieurs week-ends de stage. Passant la main sur le chakra de la spiritualité de Faustine, elle constate qu'il est bien ouvert. et sent que le bébé est en pleine incarnation. Elle suggère aux parents de lire le livre d'Anne et Daniel Meroy-Gévaudan, Les Neuf Marches, l'histoire d'une incarnation relatant dans le détail les métamorphoses que vit une âme avant et pendant la naissance. Faustine soupire. J'espère que ça m'apprendra l'empathie, ton bouquin. J'ai l'impression d'en manquer en permanence. Je ne compte plus le nombre d'occasions où je reste sans voix devant une personne en détresse, ne sachant comment la consoler. Ne t'inquiète pas pour cela, répond Monique. Si tu ne sais pas quoi dire, il te suffit de prendre la personne dans tes bras et de la serrer bien fort. Ça vaut tous les discours de la terre. C'est tellement sensé ce que tu dis. J'aimerais tant être capable de redonner ce que j'ai reçu en AA, et en même temps je me sens si dépourvue de moyens pour le faire. C'est parce que tu compliques tout. Tu n'as pas besoin de sauver le monde ni d'accomplir des miracles. Contente-toi de témoigner au jour le jour et de partager sur ce que tu connais, sans phare ni dentelle. Ça sera déjà beaucoup. Dès le samedi suivant, Faustine se précipite tout en haut de la rue de Bourg, dans une librairie ésotérique de sa connaissance. Elle y a déjà acheté plusieurs tarots divinatoires, un yiking et un traité de numérologie. Mais ça, c'était quand elle avait encore du temps. Désormais, elle est mariée et maintenant, elle attend un enfant. Fini les longs dimanches en solitaire où elle pouvait s'ennuyer en toute impunité. Il faut savoir ce que l'on veut. Ainsi que le disait Madame de Maintenon, épouse morganatique de Louis XIV à ses jeunes élèves de l'école de Saint-Cyr, « Si vous ne savez pas ce que vous voulez, assurément vous ne l'aurez pas. » Faustine trouve rapidement le livre désiré et, sitôt à la maison, se met à le dévorer. Quelle chance de l'avoir trouvé pile au bon moment dans le cours de sa grossesse. Elle y apprend, entre autres, que si l'enfant à naître est très vite agressé par des musiques violentes, il apprécie par ailleurs les musiques douces et la voix de sa mère. Dans sa lecture, Faustine emmagasine une foule de conseils judicieux complétés par tous ceux que la future marraine, par ailleurs infirmière de profession, lui prodigue. On ne saurait progresser dans de meilleures conditions. Malheureusement pour Faustine, son mari, le futur père, semble de plus en plus se détacher d'elle et de leur enfant, prétextant en boucle qu'il est trop occupé par son boulot et les alcooliques anonymes. Faustine est sûre qu'il y a autre chose, que ce ne sont pas les vraies raisons. Mais elle ne trouve pas. À supposer qu'il en aurait envie, elle sait qu'il n'y a pas le plus petit espace dans son emploi du temps qui lui permettrait de la tromper. Il n'empêche que son bonheur en est terni et qu'elle ne sait pas vers qui se tourner. Masson lui a conseillé d'insister et de tenir bon. Sa propre mère l'avait prévenue que son mari ne serait pas à la hauteur. Quant à sa belle-famille, il est exclu qu'elle se mêle de quoi que ce soit. De toute façon, la balance ne pencherait que du côté de Gilles, c'est une évidence. Tout cela se passe en privé, bien sûr, parce qu'en public, il continue à être le joyeux drille correspondant à l'image qu'il souhaite donner. Lorsque David et Muriel, fils et belle-fille de Jacques, l'ex-patron parisien de Faustine, viennent les voir à Lausanne fin janvier, c'est lui qui les conduit à Châteaudet. David et Muriel, sa femme, rêvaient d'assister au Festival international de ballon. Cet événement unique dans les Alpes suisses a lieu à la fin du mois de janvier. Faustine est très heureuse de pouvoir promener, héberger et rassasier ses amis. Elle a beaucoup travaillé avec David à la Prana et s'est toujours bien entendue avec lui. En voilà un qu'elle aurait volontiers épousé. Par ailleurs, elle est heureuse de pouvoir, avec son mari, profiter d'un spectacle qu'elle n'avait encore jamais vu, dont elle ne savait même pas qu'il existait. Elle est épatée par l'imagination des concurrents, la diversité des montgolfières, l'incroyable variété des formes et des couleurs, les nuages de vapeur qui s'échappent des nacelles, tels des exhalaisons de dragons, sont impressionnants, tant par le son que par l'image. Toute la matinée, les quatre amis assistent à la préparation du départ, qui ne se fera en fin de compte que dans l'après-midi, car il dépend de la direction des vents et de la force des courants. Lorsqu'enfin il est donné, c'est un gigantesque bouquet multicolore qui se disperse dans le ciel sous les applaudissements de la foule emmitouflée. Les vendredis soirs, après la séance alcoolique anonyme, Stéphane, Vincent, Gilles et Faustine se rendent volontiers au McDo de Crissier. La musique n'y est pas trop agressive pour le bébé et c'est le seul restaurant qu'ils peuvent s'offrir pour le moment, Stéphane n'ayant pas retrouvé de travail et Vincent se débattant dans des problèmes financiers incompressibles. C'est là que, vers la fin du mois de janvier, Faustine sent son enfant bouger pour la première fois. Des milliers de petites bulles explosent dans son ventre. C'est très agréable. On dirait que bébé a débouché le champagne. Pour un enfant d'alcoolique, ça promet. De retour à la maison, le couple tente de s'accorder sur le choix d'un prénom. Exploit difficile s'il en est. Il leur faudra des jours et des jours de palabres pour décider provisoirement que ce sera Julie si c'est une fille et Benoît si c'est un garçon. On a encore le temps de changer d'ici la naissance. Afin que Stéphane puisse se rendre à ses rendez-vous, Faustine lui prête sa voiture, sous prétexte qu'il l'amène à son travail du mardi au vendredi. Étant donné que pendant l'hiver, les paysagistes terminent un peu plus tôt, Vincent passe récupérer la jeune femme une fois sur deux, en fin d'après-midi. La demi-heure de trajet est propice aux confidences. Vincent raconte, avec beaucoup de respect et de délicatesse, les différentes péripéties, parfois très drôles, parfois moins drôles, qu'il traverse avec les femmes qui croisent sa route. Faustine l'écoute avec d'autant plus d'intérêt qu'il apprécie ses conseils. Timide de nature et plutôt introverti, le jeune homme de 36 ans dégage néanmoins une telle virilité que ces dames moins farouches que lui n'hésitent pas à faire les premiers pas, semblant reconnaître en lui l'homme idéal sous ses dehors de plantigrade. Faustine, qui a dû réprimer sévèrement ses pulsions de séductrice, un soir qu'il s'était retrouvé seul dans un ascenseur, en sait quelque chose. Heureusement, il n'y avait que deux étages à monter. Soyons sérieux, il n'est pas question de divorcer tous les deux ans. Faustine, malgré les aléas, tient toujours à faire ce qu'il faut pour que son mariage perdure. Mais il faut avouer que parfois... Allez, on se calme. Pendant le mois de mars, les cartons s'empilent. Le déménagement est prévu pour le 1er avril. Mais les actuels locataires laissent la jouissance du garage aux nouveaux venus afin d'y empiler leurs affaires. Faustine profite de n'être pas encore trop grosse pour en faire le maximum, malgré l'interdiction formelle des trois hommes. Entre deux travaux de force, les quatre amis s'offrent un restaurant ou un cinéma. Philadelphia vient de sortir et suscite bien des polémiques. Le terrible sida reste une menace d'autant plus terrible que dans le fond on n'en sait pas grand-chose, si ce n'est au travers des scandales du sang contaminé ou de la cyclosporine. Alors, lorsque Gilles se blesse malencontreusement au travail avec un verre de lunettes porté par un sidéen, c'est le drame. Il se renferme encore plus sur lui-même, se désinfecte 50 fois par jour et fonce se faire tester. L'attente du résultat de la prise de sang est insupportable. Gilles, déjà hypochondriaque de nature, ne supporte pas le suspense. Il devient de plus en plus nerveux, de plus en plus désagréable. Enfin, au bout d'une interminable semaine, le diagnostic tombe. Négatif. Le futur papa respire enfin. Mais il a perdu plusieurs kilos et pris quelques cheveux blancs. Pour se changer les idées, ils vont voir l'étrange Noël de Monsieur Jack, le tout premier Tim Burton. Vincent est féru de cinéma. Il a acquis dès son enfance une culture impressionnante dans ce domaine, et dans beaucoup d'autres d'ailleurs, ainsi que Faustine ne tarde pas à le découvrir. Leur ami n'a pas son pareil pour décrypter les films, lui expliquer clairement le message que le réalisateur a voulu faire passer. Il leur offre également dans la foulée Carmina Burana de Karl Orff, qu'elle fait jouer en boucle, en prenant soin de baisser le son au moment critique, afin de ne pas trop effrayer son bébé. Sa fille, devrait-elle dire, car l'échographie a parlé, ça sera une petite nana. For my life, I love you, depend on me, I'll see you through, Dolores, your daddy's baby girl.